le jour où un allié ne sera d'aucune utilité à un autre allié, et ils ne seront point secourus non plus.